son tio ya, ya. Yeah. Ciao Cici. Buon appetito. Thank you, Lonnie. ça peut durer. Avec un son clair. Rebalance ton son clair, jamais. Allez, Karma. Et forte ma basse. J'aimerais bien que tu me fasses à bouffer. pour pourrir le style. C'est... Thank you.